Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Si vous profitez de ces quelques jours de vacances, replongez-vous dans les meilleurs titres vidéo du moment. Omar et Fred reviennent avec une nouvelle saison du SAV encore plus délirante, dans laquelle vous retrouverez bien sûr tous les personnages cultes, Tata Suzanne, le commandant de bord, Doudou et plein de nouveaux personnages. Retrouvez Omar et Fred pour la saison 3 du SAV des émissions, plus de 2 heures de sketch avec tous les personnages cultes et des bonus. Service après-vente des émissions. Service après-vente, bonjour. Bonjour les enfants, c'est Cluny. Savez-vous ce que dit un serpent quand il demande l'heure à un autre serpent? Non. Quelle heure, reptile? Et après les serpents, les enfants, ils se jettent sur l'adorable souris et la dévorent. Et après, quand vous perdrez vos dents, la souris, elle viendra pas vous donner une pièce parce qu'elle est morte. Elle est morte. Service après-vente, bonjour. Kiki. Bonjour, mon poussin. Viens me voler de les plumes. Service après-vente, bonjour. Oui, Nicole Kidman a déclaré, depuis que je suis enceinte, j'ai les seins en montgolfière. Oui. Bah, je voulais lui dire qu'elle n'hésite pas, hein, si elle a besoin de quelqu'un pour lui souffler de l'air chaud. Oh, Nicole. Service après-vente, bonjour. La saison 3 du SAV des émissions, à DVD, Studio Canal.